Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire des faux espions chinois de chez Renault, une sale histoire, profondément immorale. Lorsqu'elle éclate en janvier 2011, la presse et les médias en font immédiatement leur gros titre. Partout, on peut lire et entendre que le constructeur automobile Renault, quatrième groupe mondial du secteur, fleuron de l'industrie française, aurait été la cible d'un espionnage industriel fomenté par trois de ses employés, trois ingénieurs très haut placés. Au même moment, de nombreux responsables politiques montent au créneau et accusent publiquement un acteur étranger d'être derrière toute cette opération. Très vite, on pointe la Chine du doigt, car on connaît ses pratiques sur le terrain de la concurrence industrielle. Sur les plateaux de télé, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, prend la parole et affirme même détenir des certitudes dans cette affaire. Tout laisse donc à penser qu'elle est très grave et que l'enquête va révéler comment des agents à la solde de Pékin, à l'intérieur dont des taupes, ont réussi à piller les brevets technologiques de l'entreprise. Bien, mais quelques semaines plus tard, on découvre qu'il n'existe dans ce dossier aucune preuve, aucun témoignage, uniquement la lettre de dénonciation d'un corbeau, autrement dit, rien. L'affaire des espions chinois de Renault prend alors une toute autre tournure. Et de dossier d'espionnage international, elle se transforme en une affaire d'escroquerie, mais surtout en une énorme faute morale. Dans une entreprise qui brasse des milliards et où ses dirigeants, PDG en tête, gagnent des sommes inouïes et sont, à leur façon, les maîtres du monde alors. Comment ont-ils pu tomber dans le panneau et surtout, par leur impéritie, s'acharner sur trois ingénieurs innocents et deux surcroît parmi les meilleurs chez Renault? Après le récit, nous donnerons la parole à Nathalie Braffman, journaliste, chef adjoint du service Société au quotidien Le Monde, c'est notre invitée. Elle a couvert cette affaire et rencontré ses principaux protagonistes. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production, Lucille Valéry, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, programmation musicale Muriel Pérez, la technique aujourd'hui Hélène Langlois. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Plusieurs sources confirment à l'agence France Presse que trois hauts dirigeants du constructeur automobile français, Renault, ont été mis à pied hier, puis brutalement remerciés. Les raisons d'une telle décision sont pour l'instant inconnues. Contacté par l'AFP, Renault affirme ne pas être en mesure de commenter cette information. Jeudi 6 janvier 2011, Guyancourt, département des Yvelines. Nous sommes ici à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. En périphérie de la ville, derrière un rideau de brouillard, on distingue un immense bâtiment à l'architecture futuriste. Cet endroit, connu sous le nom de Technocentre, c'est le cœur stratégique de la recherche et du développement du constructeur automobile français Renault. C'est ici que se pense, se dessine et se conçoit, en toute discrétion bien sûr, les véhicules de la marque Losange qui circuleront demain. Devant les grilles et les portiques de l'entrée principale, les visages sont fermés, les regards fuyants. En cette rentrée des vacances de Noël, l'ambiance est loin d'être à la fête chez Renault. Quelques jours plus tôt, en effet, trois cadres de l'entreprise ont été convoqués dans les bureaux de la direction, interrogés pendant près d'une heure par des responsables du DPS, le service de sécurité, puis mis à pied à titre conservatoire et avec effet immédiat. Leurs ordinateurs et leurs téléphones professionnels ont été confisqués et ils ont été raccompagnés manu militari vers la sortie. Du côté de la direction de Renault, on se refuse pour le moment à tout commentaire. Seule information donnée par un porte-parole de la direction de l'entreprise, les faits qui sont reprochés aux trois hommes sont très graves et mettraient directement en cause des intérêts stratégiques et technologiques du groupe. Selon des rumeurs internes, la direction de Renault les accuserait d'avoir diffusé des informations extrêmement sensibles à des personnes extérieures au groupe. Pour les journalistes, aucun doute, il s'agit d'une affaire d'espionnage industriel. Dans les médias, les articles et les reportages se multiplient. Si elle est avérée, cette affaire sera un coup très dur porté au constructeur qui, rappelons-le, emploie un peu plus de 120 000 personnes en France et a engagé ces dernières années un plan de modernisation et de restructuration de grande ampleur. Et puis, il faut bien l'avouer, dès qu'on utilise le mot espionnage, ça fait toujours recette en matière d'information et les journalistes le savent. Dans l'esprit du grand public, on imagine comme dans les films des jeunes espions bardés de matériel d'écoute ou d'informatique. On les imagine venir en pleine nuit copier des disques durs ou dérober des informations hautement sensibles. On imagine enfin que tout cela restera caché. Mais dans cette affaire Renault, le profil et le nom des trois individus mis à pied et accusés d'avoir espionné leur entreprise ne tardent pas à filtrer. On apprend alors que tous trois travaillent de près ou de loin sur le très sensible et très secret programme VE du constructeur, comprenez derrière cet acronyme voiture électrique. Le premier d'entre eux s'appelle Michel Balthazar. Il a 56 ans, il est directeur de l'amont des projets et des prestations. Ancien responsable de programme, il est entré il y a 31 ans dans l'entreprise et il fait partie du comité de direction du groupe. L'homme a la réputation en interne d'être exemplaire et très investi dans les projets de l'entreprise, un bon élément, comme on dit dans le milieu du travail. Le second, Bertrand Rochette, a 50 ans. Il est l'adjoint de Michel Balthazar et il affiche au compteur 22 ans d'ancienneté chez Renault. État de service impeccable. Ses collègues ont de lui l'image d'un grand sérieux et d'une grande rigueur. Le troisième s'appelle Mathieu Tenenbaum, 33 ans, directeur adjoint du programme véhicules électriques. Plus jeune que ses deux collègues, il est un pur produit Renault. Entré à 19 ans dans l'entreprise, sans être passé par une grande école d'ingénieurs, il a gravi un à un les échelons pour se retrouver cadre. Lors de son dernier entretien individuel, un an plus tôt, son supérieur l'a qualifié de « transparent et loyal ». Bref, Balthazar Rochette et Tenenbaum ont tout sauf un profil d'espion. D'autant que ces trois personnes sont plutôt bien payées. Alors, si elles ont effectivement trahi Renault, pourquoi ? Pour l'argent ? Cette hypothèse ne convainc pas grand monde du côté de leurs collègues, dont certains découvrent l'affaire d'ailleurs en lisant la presse. Et très vite, face au silence de la direction de l'entreprise sur cette affaire, le malaise gagne les 5000 employés du Technocentre, comme en témoigne Alain Guéguin, délégué syndical Sud. L'ambiance, elle est quand même assez spéciale. Hein. Les gens qui sont un peu, dubitatifs. Puis les ingénieurs et les cadres qui, eux, ont pris un gros coup de massue. Pour ceux qui connaissaient très bien les trois salariés, on a du mal à y croire. Quoi. Ça fait un peu l'effet du bombe atomique. Vous estimez que la direction devrait en dire plus sur ce qu'elle reproche à ces trois salariés ? Bien sûr, on en apprend plus dans la presse, hein, avec des variantes, etc., qu'en interne. Si on n'achète pas le journal du soir ou le journal du matin, on est au courant de rien. Ça rend un peu les gens nerveux. Et ça, c'est pas du tout bon pour l'ambiance dans une grande entreprise comme le Technocentre chez Renault. Au Technocentre, les jours passent et l'incertitude demeure. Que reproche-t-on exactement aux trois ingénieurs mis à pied? Surtout, sur quelle base se portent les accusations de la direction? Par voie de presse, on apprend que c'est une lettre anonyme reçue 4 mois plus tôt par plusieurs hauts dirigeants d'entreprise qui aurait mis les agents de la sécurité de Renault sur la piste d'une possible fuite d'informations. Dans cette lettre, dont le contenu ne sera jamais rendu public mais à laquelle certains journalistes auront accès, un mystérieux corbeau accuse nommément Michel Balthazar, l'un des trois cadres mis à pied, d'avoir négocié un pot de vin en échange d'informations se rapportant au programme de la voiture électrique. Le nom d'un autre salarié présenté par le corbeau sous le qualificatif de, je cite, « petit jeune » serait aussi partie prenante dans l'affaire. Cet homme, les agents de la sécurité de Renault pensent l'avoir identifié. Il s'agirait de Mathieu Tenenbaum. Quant à Bertrand Rochette, son nom n'apparaît nulle part, mais la direction de Renault semble persuadée qu'il a participé à cette opération. Fort de ces éléments, le DPS, l'organe de sécurité de l'entreprise, considéré en interne comme une sorte d'état dans l'état, composé pour la plupart d'anciens membres des services de renseignement et de police, imaginez l'ambiance, ce DPS lance donc une enquête. Et c'est ainsi qu'en janvier 2011, les trois cadres sont mis à pied. Qu'a-t-on découvert ? En conférence de presse, le vendredi 7 janvier, la direction de Renault s'exprime enfin sur l'affaire par la voix de son directeur juridique Christian Husson. Mais vous allez l'entendre, aucune précision n'est donnée sur les résultats de l'enquête. Cette enquête, qui a duré plusieurs mois, nous a permis d'identifier un faisceau d'éléments convergents attestant que les agissements de ces trois collaborateurs étaient contraires à l'éthique de Renault et mettaient en risque consciemment et délibérément des actifs de l'entreprise. Pour Renault, il s'agit de faits très graves concernant des personnes en position particulièrement stratégique dans l'entreprise. Voilà, débrouillez-vous avec ça. C'est ce qui s'appelle ne rien comprendre, la communication. On s'adresse à la presse pour ne rien lui dire. C'est la meilleure façon d'instaurer le soupçon. Premier fiasco. Au même moment, des responsables politiques de l'UMP montent au créneau et rivalisent de déclarations toutes plus sévères les unes que les autres. Interrogé sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement François Baroin déclare que Renault est victime d'une guerre économique. De son côté, le ministre de l'Industrie, Éric Besson, affirme sur l'antenne de RTL que la piste de l'espionnage paraît sérieuse et qu'il y a, je le cite bien sûr, « péril pour l'industrie française ». Point d'orgue de cette campagne de la surenchère, le directeur général délégué de Renault, autrement dit le numéro 2, Patrick Pellata, affirme dans le journal Le Monde qu'il s'agit d'un travail de professionnel. Et il ajoute, grave, Renault est victime d'une filière organisée internationale. Au fil des lignes, on comprend qu'au cœur de toute cette affaire se trouvent les brevets technologiques du programme phare du constructeur, celui de la voiture électrique donc. Un programme dans lequel Renault et son partenaire Nissan ont investi un peu plus de 4 milliards d'euros. Pour l'opinion, la piste de l'espionnage économique apparaît crédible. D'autant plus que les médias rappellent qu'avant Renault, le fabricant de pneus Michelin, l'équipementier Veolia, la division véhicules du groupe Bolloré ont eux aussi été victimes d'espionnage. Sur France Inter, le député UMP Bertrand Carayon, spécialiste des questions d'intelligence économique, rappelle d'ailleurs que le danger existe bel et bien aujourd'hui pour les entreprises françaises. Vous savez, on vit aujourd'hui, depuis quelques années, l'ambiance d'une véritable guerre économique, hein, d'une guerre sans visage, le plus souvent, sans image non plus, et donc difficile à décrire pour les médias. Mais une guerre où tous les coups sont permis, où celui qui est en retard dans la course se dope, justement, pour arriver en tête. Et là, la responsabilité des nouveaux pays industriels, des pays industriels émergents, à l'instar de la Chine, est souvent relevée. Les distorsions de concurrence, l'utilisation des services de l'État pour recueillir des brevets ou des informations non protégées, parfois des prises de participation non désirées également par des sociétés intermédiaires. Tout ça, c'est la litière du monde moderne et de la guerre économique. La Chine, elle s'invite bien malgré elle dans cette surprenante et pour l'instant très mystérieuse affaire. C'est le journal Le Figaro qui, se basant sur une note interne des agents du contre-espionnage français, la DCRI, affirme que l'enquête s'oriente effectivement vers une piste chinoise. Toujours selon le journal, plusieurs hauts responsables du constructeur automobile soupçonnent la Chine. On connaît l'appétit de ce pays pour l'innovation technologique et ses méthodes, alors on se convainc que l'empire du milieu nous espionne. Pékin dément, bien sûr, et déclare que ces accusations sont non seulement sans fondement, mais irresponsables et totalement inacceptables. L'affaire Renault provoque même un mini-séisme diplomatique entre la France et la Chine. Et pendant ce temps, la procédure de licenciement des trois cadres suit son cours. France Inter. L'affaire d'espionnage industriel chez Renault sera mise aujourd'hui entre les mains de la justice. Le constructeur automobile va déposer plainte. Il soupçonne trois de ses dirigeants d'avoir livré des secrets industriels à la Chine. Pékin a dit hier ne rien avoir avec cette affaire. Quant aux trois cadres, ils ont été mis à pied et ont passé hier leur entretien préalable à leur licenciement. Sarah Guibaudot. Une demi-heure d'entretien, environ, avec le responsable juridique de Renault et le directeur des cadres supérieurs. À la clé, un licenciement pour faute lourde que Renault annoncera après un délai légal de 48 heures. Mathieu Tenenbaum, ému à la sortie, l'ancien jeune directeur adjoint du programme véhicule électrique, laisse son avocat parler, maître Thibault de Montbrial. Monsieur Tenenbaum est accusé sur la base d'une lettre anonyme. Cette lettre anonyme indiquerait que M. Tenenbaum aurait reçu des pots de vin et aurait commis des actes contraires à l'éthique. Quel pot de vin? Combien? Où? Comment? Par qui? Il n'a été répondu par la direction de Renault à aucune de ces questions. Accusation réfutée aussi par Michel Balthazar, l'ancien directeur des projets, un des plus hauts dirigeants du groupe, a fait une courte déclaration à sa sortie. Renault porte contre moi des accusations très graves, que je réfute totalement. C'est une grave atteinte à ma dignité, à mon intégrité. Et donc je n'ai qu'un seul objectif, c'est maintenant de faire reconnaître que je ne suis pour rien dans cette affaire. Je me considère aujourd'hui comme une victime d'une affaire qui me dépasse et sur laquelle j'attends des explications. Mardi 14 janvier 2011, suite à la plainte déposée par le constructeur automobile Renault, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Le procureur Marin charge la DCRI de faire la lumière sur toute cette affaire. Dans la foulée, les agents du contre-espionnage s'entretiennent avec les responsables de la sécurité du constructeur. Et là, première surprise, Renaud, qui est pourtant en position de victime dans toute cette affaire, refuse de partager avec eux certaines informations. Convoqué puis interrogé pendant près de 5 heures, le directeur de la protection et de la sécurité du groupe, le fameux DPS, refuse lui aussi de livrer le nom de ou des personnes qui auraient permis de réunir les informations à charge contre les trois cadres licenciés. Ce que les enquêteurs découvrent, en revanche, c'est que le constructeur français a payé fin août 2010 la somme de 50 000 euros à une officine privée pour enquêter sur cette affaire. Cette somme a permis de remonter la piste de plusieurs comptes appartenant à deux des trois cadres, certains en Liechtenstein, d'autres en Suisse, sur lesquels dorment respectivement 130 000 et 500 000 euros de l'argent qui proviendrait d'une puissante entreprise chinoise spécialisée dans l'énergie. Que tout cela est bien cousu. Et ce serait forcément la preuve que tout le monde cherchait depuis le début l'élément qui permet d'accuser la Chine et les trois ingénieurs de Renault. Parmi ceux qui le pensent, il y a tout simplement le PDG de l'entreprise, Carlos Ghosn, et il l'affirme sur le plateau du 20h de TF1 le 23 janvier. Nous avons des certitudes. On n'a pas de certitudes, on n'en serait pas là. Il faut que nous protégions Renault et nous ne voulons pas être une cible molle. Nous savons que ça intéresse beaucoup les concurrents. Pendant une dizaine de minutes, d'un ton grave, le numéro 1 de Renault, qui s'exprime pour la première fois publiquement sur cette affaire, réaffirme que l'entreprise ira au bout pour protéger ses intérêts stratégiques. Dès le lendemain, ses propos font grand bruit dans la presse, tout comme ils intriguent les agents de la DCRI. Pourquoi une telle sortie médiatique ? Et sur quels éléments de base se base le PDG de Renault pour parler de certitude alors que ses propres services de sécurité refusent, eux, de fournir les preuves en leur possession aux agents du contre-espionnage ? Pour les trois anciens employés mis à la porte et accusés d'espionnage, la sortie médiatique du président de Renault est une véritable provocation. Alors, les trois portent plainte pour dénonciation calomnieuse. L'avocat de Bertrand Rochette, l'une des trois personnes mises en cause, accuse Renault d'intenter à son client un procès à la soviétique genre purge. On accuse sans preuve, tout juste si on ne demande pas des aveux circonstanciés pour mieux condamner. Car derrière les discours, Renault n'a pour l'instant fourni aucun élément de preuve à la justice. Quant à Bertrand Rochette, il convoque la presse et réaffirme haut et fort son innocence. J'ai été jeté à la porte de cette entreprise comme un malpropre. C'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé avec des gens formidables, dont je pense avoir l'estime, des gens qui ont confiance en moi. Je veux réaffirmer que je n'ai jamais eu de compte en Suisse, que je n'ai jamais touché d'argent pour des informations que j'aurais pu fournir et qui auraient trahi Renault. J'ai toujours été loyal à cette entreprise et je suis déterminé à ne pas être un bouc émissaire dans cette affaire, dans cette histoire, avec laquelle j'ai vraiment rien à voir à supposer qu'il y ait une affaire et qu'il y ait une pareille histoire. À la fin du mois de janvier 2011, après 4 semaines de rebondissements, l'affaire d'espionnage industriel présumé chez le constructeur automobile Renault reste donc extrêmement troublante. Les trois ingénieurs soupçonnés ont été licenciés, les dirigeants de Renault continuent de les accuser, mais bientôt le château de cartes va s'écrouler et le dossier Renault basculer dans le registre de l'escroquerie. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over. L'affaire Renault se dégonfle donc un peu plus chaque jour. On est très loin maintenant du roman d'espionnage de janvier dernier, quand même au gouvernement, on n'hésitait pas à parler de guerre économique, montrant du doigt la Chine, des réseaux de l'ombre, des comptes bancaires en Suisse ou au Liechtenstein. Ce matin dans le Figaro, le numéro 2 de Renault le reconnaît lui-même. Un certain nombre d'éléments nous amènent à douter, explique Patrick Pellata. Les doutes aussi à la DCRI, le contre-espionnage français, qui continue son enquête, mais davantage en interne, s'intéressant de très près aux propres enquêteurs de Renault. Nous sommes au début du mois de mars 2011. Rien ne va plus dans le dossier espionnage chez Renault. Quelques jours plus tôt, en effet, le canard enchaîné avait jeté, comme le veut la tradition, un pavé dans la mare. Grâce au témoignage d'une source proche du dossier, le journal révélait que l'enquête diligentée par Renault aurait coûté la bagatelle de 100 000 euros au constructeur et que celui-ci aurait réglé la note via un système de facturation trouble. Enfin, toujours selon les journalistes du Canard, l'enquête menée en sous-main par un salarié du groupe de sécurité Geos aurait révélé que le compte suisse de l'un des trois cadres accusés, en l'occurrence Mathieu Tellenbaum, n'existe pas. Non, il n'y a rien du tout à la banque cantonale de Zurich, contrairement à ce qu'a toujours affirmé Renault. Cet élément nouveau vient balayer les accusations portées par le constructeur contre ces trois cadres et lance les agents de la DCRI sur une autre piste, celle d'une possible tentative de manipulation d'escroquerie au renseignement. Au siège de Renault, à Boulogne-Billancourt et au Technocentre, les perquisitions et les auditions s'enchaînent auprès des cadres de la direction. Une situation ubuesque, comme le dit l'un des porte-parole de la CGT chez Renault, Fabien Gache. Nous, on est vraiment scandalisés. C'est une image détestable pour l'entreprise. Là, on a trois cadres qui sont des victimes, enfin qui semblent maintenant quasiment acquis. On a deux dirigeants, que sont Monsieur Pellata et Monsieur Ghosn, qui se sont quand même personnellement impliqués sur l'accusation. Et je pense que ça fait partie d'un certain dédain à l'encontre des salariés. Quelles sont les réactions au Technocentre parmi les salariés, justement ? Bien sûr, ça parle beaucoup. Les gens disent, alors ça veut dire que du jour au lendemain, chacun peut être victime d'une accusation, sans avoir besoin de l'étayer, et puis le lendemain, se rendre compte que l'accusation ne tient pas la route. Et ça renforce un climat détestable, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que ça remet en cause tout simplement la crédibilité de nos dirigeants et de la direction en règle générale. En d'autres termes, et en tout cas dans cette affaire, si Renault était un État, ce serait un pays sans État de droit, où l'on peut être jugé et condamné sans preuve. Voilà qui met également certains responsables politiques de la majorité de droite dans une situation gênante, eux qui dès le début de l'affaire avaient poussé des cris d'orfraie contre l'espionnage industriel, tête baissée par réflexe à défaut de réflexion. Des propos, parfois accusateurs, qui avaient de fil en aiguille provoqué la colère de Pékin, alors accusé d'être l'organisateur du système. Quai de Bercy, au ministère de l'économie, Christine Lagarde organise une réunion en urgence et convoque son ministre de l'Industrie, Éric Besson. Leur échange restera confidentiel, mais selon certains journalistes, la ministre de l'économie l'aurait, comme on dit, recadré. Invité quelques jours plus tard au journal de 13h de France 2, Éric Besson tente de minimiser ses précédents propos. S'il était avéré, à la fin de l'enquête, que les trois cadres doivent être blanchis, à ce moment-là, ils méritent non seulement réintégration, mais réhabilitation et, bien évidemment, indemnisation, réparation. Vous-même, le 6 janvier dernier, vous avez parlé de guerre économique et d'espionnage industriel. C'était le 6 janvier dernier. Vous avez parlé un peu trop vite ? Non, absolument pas. Si vous voulez bien reprendre le script de ce que j'ai dit, c'était très précis. Oui. Je dépassais le cadre de Renault et je disais la guerre économique, ça existe. Oui, c'est ça, guerre économique et l'espionnage industriel, ça existe. Mais bien évidemment, au-delà du cas de Renault dont je ne sais pas le résultat, je vous confirme que nous sommes préoccupés par la protection de l'innovation et que les exemples d'espionnage industriel et de guerre économique existent. Le 11 mars, nouveau coup de théâtre. Deux responsables de la sécurité de Renault qui ont dirigé l'enquête interne sont placés en garde à vue par la DCRI. L'un d'eux, Dominique Jeuvret, l'homme qui était en lien avec une mystérieuse source sur cette affaire d'espionnage présumée, est mis en examen pour escroquerie. Les agents du contre-espionnage le soupçonnent d'avoir organisé le détournement de plusieurs centaines de milliers d'euros payés par Renault en contrepartie de fausses informations sur l'affaire. Et là serait l'escroquerie. Dans la foulée, le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, estime que l'affaire d'espionnage ne relevait en fait, je le cite, que d'une escroquerie au renseignement, et il confirme au passage que les cadres licenciés ne disposaient pas de compte à l'étranger. Si on ne sait toujours pas qui tire les ficelles depuis le début, on découvre que ce n'est pas la première fois que Renault se livre à de telles pratiques d'accusation et de licenciement. Oui. 2 ans plus tôt, en 2009, un certain Philippe Clojanson avait été accusé par Renault et par ce même Dominique Jeuvret d'avoir perçu de l'argent de la part de prestataires de l'entreprise. L'homme avait nié, mais il avait été licencié comme les trois cadres du Technocentre. Aujourd'hui, il sort de l'ombre, dépose plainte et raconte son histoire. C'était le 19 novembre à 18h30, j'ai été convoqué par le directeur des cadres supérieurs et dirigeants de Renault qui m'a annoncé droit dans les yeux, en mettant sa main gauche sur une chemise bleue. Philippe, j'ai des preuves formelles et flagrantes que tu touches de l'argent sur des comptes à l'étranger. Et derrière, j'ai été mis à pied conservatoire le soir même. Donc j'ai quitté l'entreprise 1h30 après. Chez Renault, en cette fin du mois de mars 2011, l'heure est grave. Il faut tenter de sauver ce qui peut l'être encore. L'entreprise présente donc ses excuses aux trois cadres licenciés et affirme qu'elle est désormais en contact avec eux pour réparer le préjudice. Humilié, le PDG Carlos Ghosn décide de s'expliquer sur le plateau de TF1, là où il affirmait en janvier dernier qu'il avait des certitudes dans cette affaire. Cette fois, il n'a pas le choix, c'est mea culpa. Je me suis trompé, nous nous sommes trompés, et d'après les conclusions que nous avons entendues du procureur de Paris, il semble que nous ayons été trompés. Un patron d'entreprise, quand il est confronté à une crise, il se pose toujours une question de fond, c'est est-ce que je suis un atout pour mon entreprise ? J'ai réuni un conseil extraordinaire d'administration de Renault, j'ai posé et fait un certain nombre de propositions, j'ai été appuyé à l'unanimité. Traduisez faute collective, le genre d'argument qui ne convainc personne, car on y voit également une certaine forme de lâcheté. Alors, Carlos Ghosn, doit-il démissionner, s'interrogent de nombreux éditorialistes. Et qui doit payer les pots cassés dans le scandale, Renault ? D'autant que dans les jours qui suivent, on découvre, grâce à un enregistrement interne entre l'avocat de Renault, le directeur juridique et Dominique Jeuvret, révélé par France 2 et le site l'Express.fr, que dès le 14 février, soit un mois après le début de l'affaire, Renault avait conscience de s'être fourvoyé dans une fausse affaire d'espionnage. Sur ces bandes de mauvaise qualité, le directeur juridique de Renault, Christian Husson, explique... Le plus important, c'est qu'on retombe sur nos pattes, sur la matérialité de l'existence de ces comptes. Et il ajoute, si jamais la DCRI apprenait avant nous qu'il n'y a pas la soudure, ça veut dire de preuves matérielles, là c'est la fin des haricots pour la boîte, pour Ghosn, pour tout le monde, ça part en couille mais grave, c'est de la bombe atomique. Autrement dit, et dans la foulée de cette élégante explication, quelques semaines seulement après le début de l'affaire, Renault n'a toujours aucun élément en sa possession pour accuser les trois cadres. Est-ce là un nouvel élément susceptible de coûter son fauteuil à Carlos Ghosn ? Réponse 2 semaines plus tard, lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Le 11 avril, au siège social de Renault à Boulogne-Billancourt, se déroule une réunion au sommet. Pendant plusieurs heures, en présence de tous les membres du comité de direction, on pointe un à un les dysfonctionnements graves qui ont eu lieu tout au long de cette affaire et on énumère également les responsabilités. À la sortie, les mines sont graves. Par communiqué de presse, la direction de Renault annonce la démission de Patrick Pellata, le numéro 2 de l'entreprise, qui sera reclassé ailleurs dans le groupe Renault-Nissan. Sont relevés de leurs fonctions les trois responsables du service de sécurité de la marque, le DPS, dont son chef Rémi Pagny. Même traitement pour le directeur des cadres dirigeants, pour le directeur juridique Christian Husson et pour la secrétaire générale du groupe. Quant à Carlos Ghosn, le président de Renault, l'homme qui pour beaucoup a institué depuis des années un climat de paranoïa et de peur dans l'entreprise, obtient un nouveau vote de confiance qui lui permet de conserver son poste. Au titre du préjudice moral, les trois cadres de Renault, Michel Baltazar, Bertrand Rochette et Mathieu Tenenbaum, se verront proposer des indemnités conséquentes, payées sur les bonus et stock options des dirigeants fautifs du groupe. Parmi ces trois hommes, seul Mathieu Tenenbaum a accepté de réintégrer le groupe. Sa rémunération, toujours aussi stratosphérique, pour reprendre les propos des journalistes du Monde, celle de Carlos Ghosn est estimée à un peu plus de 15 millions d'euros par an. Quant à la procédure judiciaire pour escroquerie, elle est toujours en cours à l'heure où nous parlons. Le 4 novembre dernier, le parquet de Paris a requis le renvoi en correctionnel de 4 personnes soupçonnées par la justice d'avoir participé à l'opération. Parmi elles figure le nom de Dominique Jeuvret, l'un des anciens responsables de la sécurité chez Renault. Le mot de la fin, c'est Martine Aubry, ancienne première secrétaire du PS, qui le donne sur France Inter. Nous sommes le 15 mars 2011. Quand un salarié fait une erreur, fait une faute dans une entreprise, il n'a pas à s'excuser, il est dehors. Voilà. Alors moi je dis donc simplement. Donc ça devrait être la même chose non, quand moi on je dis simplement que Carlos Ghosn doit en tirer un peu plus de conséquences parce que la façon dont il avait dit avec assurance, je sais, j'ai toutes les preuves et on le croit lui puisqu'il est président d'un grand groupe et aujourd'hui on s'est fait avoir. Eh bien, on ne peut pas en rester là. Qu'il ne touche pas son bonus, je pense que ça va pas l'empêcher de manger. En fait, pour beaucoup de salariés dans son entreprise, il y a beaucoup d'autres problèmes. Et aujourd'hui, ce que ne peuvent plus supporter les gens, c'est que en travaillant, ils ne s'en sortent plus et en même temps maintenant, on les stresse, on les contrôle, on les surveille. Quel drôle de pays. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Be careful where you park your car. There's no telling what she might do. Cause she never had the chance to hurt you too. And if you're asking why. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Renault et ses faux espions à la solde de la Chine. Notre invitée, c'est Nathalie Braffman. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Monde et vous avez suivi un jour après jour l'évolution de cette affaire. Vous l'avez couverte, tout simplement. Et vous avez rencontré certains de ses principaux protagonistes. Avant toute chose, cette affaire est estampillée par la justice, donc officiellement affaire d'escroquerie. On y reviendra. Mais la vraie dimension morale n'est-elle pas d'abord la faute morale, grave faute morale d'une entreprise sur ses employés? Oui, vous avez raison, c'est une entreprise qui a fauté vis-à-vis de ses salariés, mais qui a été victime d'une escroquerie. Si on regarde l'instruction, ni Renault, ni son patron n'ont été mis en cause dans l'instruction. Donc, ils sont les victimes d'une escroquerie, mais leur comportement après ne justifie pas cela. Ils ont proposé aux salariés de réintégrer l'entreprise. Ils leur ont proposé d'être indemnisés. Effectivement, vous avez raison, il y a une faute morale. Mais bon. C'est moi qu'on puisse dire. Bien. Alors, l'escroquerie. Revenons sur l'escroquerie, le titre de la mise en examen. Escroquerie. Pourquoi ? Je pense qu'il faut y revenir quand même sur cette notion d'escroquerie dans cette affaire-là. Parce que Renault a quand même payé une personne, on ne sait pas laquelle, mais contre des informations qui étaient totalement fausses, Donc ils ont déboursé de l'argent et donc ils se sont fait totalement escroquer par quelqu'un. Bon, enfin, il apparaît quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès le début de cette histoire, pourtant lorsqu'elle éclate en janvier 2011, elle est prise au sérieux par les politiques, on l'a dit, et par les journalistes, nous-mêmes. Hein. À partir de quel moment avez-vous des doutes, vous, sur la version officielle qu'on nous servait? Alors, vous l'avez dit, l'affaire éclate tout début janvier. Il se trouve que moi, vers la mi-janvier, donc une dizaine de jours après que ça ait explosé dans la presse et partout dans les médias, je rencontre Mathieu Tenenbaum, l'un des trois mis en cause, chez son avocat Thibault de Montbrial, et on discute pendant 2 heures. Et là, bah, c'est un peu irrationnel, hein. Vous êtes face à quelqu'un et je me dis c'est pas possible. Voilà, on parle de tout, de son train de vie, de sa famille, depuis quand il est chez Renault. Il est rentré à 19 ans, vous l'avez dit, il a fait toute sa carrière, c'est pas un ingénieur. Il a vraiment une place en or, puisqu'il est quasiment numéro 2 du véhicule électrique. Et en sortant de ce rendez-vous, je me souviens très bien, je suis retournée à ma rédaction et j'ai dit, cette histoire, ça sent mauvais. Vous sentiez que la version officielle... Je me suis dit, il est innocent, c'est pas possible, ouais. C'est pas possible. Ou alors, il est très fort, il ment très bien. Comment était-il? C'était quoi son comportement? Qu'est-ce que vous avez senti chez lui? Il était très abattu. Oui, on imagine, oui. Très, très, très abattu. On sentait une grande détresse. Parmi ceux qui ne doutaient pas de la gravité des faits à ce moment précis, il y a un autre protagoniste dans ce dossier, celui qui était alors numéro 2 de Renault, Patrick Pellatin, hein, qui a dû démissionner. Vous l'avez interviewé quelques jours après les premières révélations de l'affaire, d'accord? Il semblait convaincu, persuadé même qu'on espionnait son entreprise, parce que dans cette histoire, effectivement, il y a des gens qui sont manipulés, la réaction des manipulés, des victimes. Hein. Renault n'est pas approprié, on va dire ça comme ça. Mais quelle est la part, finalement, ou de paranoïa, ou de certitude qu'on est vraiment espionné? Lui, il était sincèrement convaincu d'être en présence, vous l'avez dit tout à l'heure, d'une filière internationale très, très organisée. Il nous parlait d'investigation de 4 mois, de systèmes organisés de collecte d'informations, d'intérêts situés à l'étranger. Bref, il était extrêmement convaincu. Alors, il faut savoir que quand j'ai fait cette interview, j'étais avec Stéphane Lauer, qui était chef du service économie au Monde, qui avait suivi l'industrie automobile pendant quasiment 10 ans, qui connaissait très bien Patrick Pellatin. Moi, je le connaissais un peu aussi. Et franchement, on ne doutait pas. Parce que Patrick Pellatin, c'est quelqu'un de très sérieux, très posé, c'est un ingénieur, très carré. Il n'y avait aucune raison objective pour qu'on se dise il nous ment. C'est-à-dire que vous aviez le sentiment que ces gens-là étaient portés par leur responsabilité et la volonté que cette entreprise fonctionne, c'est ça que vous voulez dire aussi? Ah oui, bien sûr. Non, mais il faut rendre justice. Oui, bien sûr. Oui. On ne les a pas épargnés pendant le récit, parce que l'affaire est choquante. Et voilà, mais il faut être aussi juste hein, quand on... Oui, quand Patrick, je pense que quand Patrick Pellatin est parti de Renault, ça a été un déchirement. Comme ça a été aussi un déchirement d'avoir un de ses amis qui soit dans les trois, puisqu'il était très ami avec Bertrand Rochette. Mais alors justement, est-ce que vous l'avez interviewé sur la méthode de la direction? On le redit, on intègre le fait que Renault a été victime d'une manipulation. Ok, mais ensuite, ça n'obligeait pas les dirigeants de Renault à traiter 3 de leurs collaborateurs de cette façon. Vous l'avez interviewé sur ce point-là? Alors, en fait, eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient bien fait leur boulot. Donc, ils avaient enquêté quand même pendant 4 mois. Sans jamais avoir de preuves écrites. C'était Dominique Gevrey qui apportait des preuves comme ça. Eux, ils se disaient, bah oui, on a 3 cadres qui nous ont trahis. Ils se sont juste assis quand même sur ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Exactement. Bon. Comme nous. Les journalistes, évidemment. Ça peut arriver. L'une des questions centrales dans toute cette affaire, quand même, Alors, vous ne savez pas plus que moi, mais savoir qui est l'auteur de cette lettre anonyme qui date, je le rappelle, d'août 2010 et qui va déclencher toute cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme hypothèse? Qui a pu faire ça? Honnêtement, je ne peux pas du tout vous répondre à cette question. Bien sûr. Je ne sais pas. Bon. Bah oui, ça fait partie des grands mystères de certaines affaires. Que pensez-vous du rôle de Dominique Jeuvray, l'un des anciens agents du service de sécurité de Renault, l'homme qui était au contact de la source, dit-on? Voilà, lui, il a un rôle central aussi. Hein. Oui, il a un rôle central. Il dit qu'il s'est fait totalement manipuler. C'est sa thèse depuis le début. Il dit qu'il s'est fait manipuler. Simplement, lui, il a toujours dit qu'il avait une source. Cette source n'existait pas. On a retrouvé quand même de l'argent sur son compte. Il a été interpellé alors qu'il partait en Afrique. Il a fait de la prison. On attend le procès hein, quand même maintenant. Bien, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Florent Marché qui chante La Charrette. Oui, et c'était en 2011. Dis, où va-t-elle me conduire? Vers quel pays merveilleux? Vers des rivières de plaisir? J'irai me laver les yeux. Et où va-t-elle m'emmener? Je sens mon corps se détendre, mené par le bout du nez, vers des horizons plus tendres. Ça c'est une belle surprise. Êtes-vous sûr que c'est pour moi? J'ai déjà fait ma valise. Ne me le dites pas deux fois. Et au fait, on t'a pas dit, la charrette t'en fait partie. Et au fait, toi aussi, la charrette t'en fait partie. Oh, j'espère qu'elle aura prévu une balade en forêt. Il fait si chaud que je sue, comme si j'étais au procès. Quelle destination de vacances, combien d'étoiles et de lits? Si j'ai bien compris la danse, c'est une mélancolie. Merde, si elle pouvait nous promettre de rouler jusqu'à la fin, être du vent, du salpêtre, puisque je ne suis plus rien. Et au fait, toi aussi, la charrette t'en fait partie. Moi qui n'aime pas la routine, j'ai pris beaucoup de hauteur. Toi, les dents de scie de l'usine, je vais m'empaler le cœur. Mince, la vie passe trop vite, les gosses sont déjà loin. Quel est le prix du mérite? Et une famille, c'est combien? Les faux espions de chez Renault avec vous, Nathalie Braffman, notre invitée. Vous êtes journaliste au Monde et vous avez suivi cette affaire. Précisément dans ce genre d'affaires, vous savez, la communication est importante. Hein, c'est l'un des nerfs de la guerre dans ce qu'on appelle la gestion de crise. On va écouter Jean de Belot, le président du cabinet Aria Partners, un spécialiste de la communication qui analyse précisément celle de Renault dans cette affaire. Écoutez. Il semble que la communication ait tenté pendant toute une phase de se substituer en quelque sorte au fond et à la réalité du dossier, avec une montée en première ligne à plusieurs reprises dans des médias importants du président de l'entreprise, Carlos Ghosn, qui met en danger, si les choses ne s'avèrent pas, la fiabilité des process de l'entreprise. Et c'est ça qui me paraît fortement risqué, créant davantage de troubles à l'image de Renault que ce qui apparaît ou semble apparaître être une histoire d'espionnage ou de règlement de compte dont on a l'impression qu'elle est surtout montée par des cloportes assez caricaturaux. Oui, il va fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison. C'est vrai que quand on voit Carlos Ghosn aux 20h dire une première fois, on a des certitudes, on est victime, on ira jusqu'au bout, et puis revenir un mois après, ou je sais plus très bien quand, revenir aux 20h et dire on s'est trompé, on a été trompé. Après, c'est compliqué de faire totalement confiance. Et surtout qu'il semble plaider la responsabilité collective, ce qui passe toujours mal de la part d'un PDG qui est le premier responsable, hein, même s'il n'est pas coupable. Il est responsable de ce qui se passe dans son entreprise. Enfin, la responsabilité collective, c'est une manœuvre dilatoire. Oui, vous avez raison, il est responsable. Il se trouve que là, franchement, rien n'a fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Hein. Comment se sont comportés les syndicats dans cette entreprise? Parce que c'est un dossier sur lequel que les syndicats doivent s'approprier. C'est bien un dossier comme celui-là. Comment ça s'est passé? Pour mémoire, on a entendu tout à l'heure Monsieur Guéguen. C'était très compliqué, je crois, pour eux, parce qu'ils n'avaient pas d'infos. Et donc, ils apprenaient tout par la presse. Je pense qu'ils ont été extrêmement choqués par ce qui s'est passé. On sait que chez Renault, il y a une ambiance comme ça aussi déjà un peu stressante, même très stressante pour les salariés. Donc tout ça a ajouté à l'ambiance qui est déjà assez dure quand même, ou qui était déjà assez dure. On imagine, oui. Je vous propose d'écouter maintenant une deuxième et dernière archive. C'est une déclaration de l'avocat Christian Charrière-Bournazel, défenseur de l'un des trois cadres accusés dans cette affaire, Bertrand Rochette en l'occurrence. Et lui, il revient sur l'épisode des comptes en Suisse. Alors, qu'aurait détenu son client? Je lui ai fait écrire aux banques dont le nom était prononcé dans la presse. 2 sur 3 viennent de lui répondre, celle de Liechtenstein et puis Migros qui est à Zurich, pour dire qu'il n'a jamais eu le compte chez eux, qu'il est absolument inconnu de leur institution. Ce qui rend encore plus indigne et insupportable le comportement des dirigeants de Renault qui se sont aventurés dans cette extravagante histoire de calomnie et de licenciement. Compte en Suisse, effectivement, ça apparaissait un peu étrange, non? Ou alors ça paraissait vraiment être un élément d'une véritable construction diabolique. Oui, c'est surtout que c'est très simple de savoir s'il y a vraiment un compte en Suisse. Hein. Il suffit de demander à la banque et voilà. Mais ils ont, en fait, dans cette histoire, ils ont travaillé tout seuls. Vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas alerté la DCRI et donc ils se sont fait totalement avoir. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur cet enregistrement interne, là, où le responsable juridique dit si on l'a DSRI, c'est avant nous, c'est la fin des haricots pour la boîte, pour tout le monde. Ça part en couille, mais grave. Bon, il dit c'est de la bombe atomique. Oui. C'est vraiment pris le doigt dans le pot de confiture. Bah, c'est-à-dire qu'il dit à Dominique Jevrais, il faut que tu nous aides, il faut que tu nous donnes des preuves. Là, il faut y aller. Et on est le 14 février. Donc, un mois après les faits et un mois avant qu'on sache que y a rien. Vous avez beaucoup travaillé sur l'organisation de ces grands groupes industriels, vous-même, que ce soit automobile ou d'autres secteurs d'activité. Alors, je voudrais rappeler que l'État possède une part du capital chez Renault à hauteur de 20%, c'est ça? 15. Bon, une part de capital, en tout cas, qui est loin d'être majoritaire, mais qui constitue ce qu'on peut appeler une minorité de blocage, donc c'est important. Est-ce que vous trouvez que l'État a eu un comportement assez pugnace dans cette affaire, demander des comptes, après tout? Oui, alors ils ont demandé des comptes, il y a des têtes quand même qui sont tombées, Patrick Pedatta est finalement parti, vous l'avez dit tout à l'heure, le directeur juridique, la secrétaire générale, le directeur des cadres, mais Ghosn est resté en place. Donc c'est vrai que à l'époque, nous journalistes, en tout cas de presse écrite, on se disait... Carlos Ghosn devrait en tirer toutes les conséquences quand même et partir. C'était, à mon avis, très compliqué pour l'État de demander à Carlos Ghosn de partir. C'est lui l'artisan du rapprochement Renault-Nissan. Ça aurait pu affaiblir Renault. Enfin bon, et voilà. Je pense que l'État n'était pas prêt à faire partir Carlos Ghosn et les actionnaires non plus d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez, est-ce que c'était difficile d'enquêter sur ce genre d'affaires? On voit à quel point c'est pour le coup vraiment très sensible, hein, très très sensible, avec beaucoup d'enjeux à la fois d'abord économiques, mais aussi politiques. Et donc enquêter sur ce genre d'affaires, c'est compliqué. Vous avez des barrages ou au contraire vous avez je pense qu'on a sorti, tous les journalistes qui ont suivi cette affaire ont sorti pas mal de choses. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient dans la presse. Ce qui était compliqué, c'est qu'on avait affaire à une direction de la communication qui essayait absolument de nous faire croire que tout ce qu'il racontait était vrai. Donc dès qu'on écrivait quelque chose, enfin qu'on disait qu'on avait des doutes, ils nous disaient non mais attends, tu verras, on va t'apporter les preuves. Et donc ça, c'était un peu compliqué, mais en fait. Très vite, non, je pense qu'on a tous sorti des infos et c'était super intéressant hein, comme dossier. Mais très sincèrement, au tout début, vous, journaliste, j'aurais pu être dans ce cas-là, hein, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le recul, bah, vous aussi, dès le début, vous êtes un peu tombé dans un piège, quoi. Est-ce que vous pensiez, vous, qu'il y avait une affaire d'espionnage je dis bien au début. Au tout début. Ouais. Très sincèrement. Sans doute, parce que en plus, il faut se replonger. Hein, 2011, on sort d'une crise de l'industrie automobile. Renault veut être le numéro un mondial du véhicule électrique. Il a dépensé des milliards. Mmh. Il a 4 automobiles dans les cartons. Enfin. On parle du véhicule électrique tout le temps. Donc, on peut se dire, bah oui, pourquoi pas, hein, il peut y avoir espionnage. D'ailleurs, on dit qu'on connaît les méthodes de la Chine sur ce plan-là. C'est un fantasme ou une réalité? Est-ce que vraiment les Chinois sont, si j'ose dire, performants dans ce qu'on peut appeler l'espionnage industriel? Je vais pas vous répondre complètement sur cette question parce que je suis pas du tout spécialiste. D'accord. Mais il y a eu des cas quand même. Je pense qu'il y a eu des cas. Et je pense qu'aujourd'hui, les groupes font attention, mais ça fait partie de la politique des secrets industriels. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire une grosse crise diplomatique entre la Chine et la France quand même, parce qu'accuser comme ça la Chine sans aucune preuve, c'est très grave. Bien sûr. J'ai l'impression avec le recul que si on a parlé de cette affaire, la preuve, vous avez fait des articles, on n'en a pas forcément énormément parlé au bout du compte. Alors je ne sais pas s'il y avait une concurrence, si je puis dire, de l'actualité à ce moment-là. Bon, il y avait Fukushima, hein, on était en plein dans Fukushima, 11 mars 2011. Alors je ne sais pas si ça fait un peu d'ombre à cette actualité-là ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on n'en a pas énormément parlé. Je crois qu'on en a beaucoup parlé dans un laps de temps assez court, ah, c'est ça. De janvier jusqu'à mars, et après finalement, oui, on est un peu passé à autre chose. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'il y a un procès qui va se tenir, donc je pense que les médias vont... Oui. En reparler assez rapidement. Voilà, puis nous raconterons une deuxième fois l'histoire, peut-être, voilà, avec un invité et avec une actualisation, puisque c'est aussi notre habitude, quand on raconte une deuxième fois une histoire, on l'actualise, c'est un principe. Je vous remercie. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les faux espions de chez Renault, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci Fabrice Drouel. Dès lundi, nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles avec une émission sur la course à la voile du Fastnet en 1979.